Donc, il reste quelques pages pour qu'on termine Tawhid, et puis là, après, c'est la foi en les anges, le prochain chapitre. Donc, on va commencer maintenant, Inch'Allah. Puis, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est seulement le Tawhid. C'est-à-dire, on a pris un an juste pour expliquer qu'est-ce que ça signifie, Ashhadu an la ilaha illallah. Donc, ça nous montre que c'est pas un petit sujet, c'est quelque chose de très délicat, très approfondi, si on peut le comprendre réellement, savoir ce que ça implique. Donc c'est le plus grand sujet dans l'islam. Et ça vient nous montrer un peu l'importance du tawhid, parce que lorsqu'un sujet est plus important, on y donne plus d'importance, hein. Et c'est pour ça qu'il y a un frère qui remarquait, même un chef qui faisait remarquer, que beaucoup de livres qui sont présentés aux non-musulmans comme introduction à l'islam, eh ben, vous allez remarquer que ils vont parler des 5 piliers de l'islam, ou des 6 piliers de la foi, puis en commençant par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que tu vas trouver une page ou deux sur la foi en Allah, puis après, le reste, c'est comme 20 pages sur la salat, 20 pages sur le psaume, 20 pages sur le hajj. Mais une ou deux pages sur l'unicité d'Allah ou la foi à Allah. Et ça montre qu'en réalité, c'est comme une sorte de, c'est un problème, ils ont mal présenté la réalité de l'islam, puisque le plus important dans le cas, c'est la ilaha illallah, c'est le premier pilier de l'islam. Et donc, ce pilier-là, on devrait lui, si on consacre 20 pages à la salat, on doit consacrer au moins 3 fois plus pour expliquer la ilaha illallah. Hein? Donc, ça, c'est juste une remarque que le frère nous avait fait pour nous faire comprendre l'importance. Donc on va commencer. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le chef, il avait expliqué et présenté le manhaj des gens qui sont déviés de la voie des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah. Il a expliqué les deux extrêmes, c'est-à-dire les gens du ta'fil et les gens du tashbih. Et là, il commence à expliquer comment on réfute les doutes, comment réfuter les doutes de ces gens-là, ou leurs shubhat. Donc le cheikh dit, « وَالرَّدُ عَلَى شُبْهَتِهِمْ » أن نقول لا ريب أن التمثيل قد نطق القرآن بنفيه عن الله تعالى كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وقوله فلا تضربوا لله الأمثال ولكن مع نفيه سبحانه عن نفسه مشابهة المخلوقين أثبت لنفسه صفات الكمال كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فجمع في هذه الآية الكريمة بين نفي التشبيه عنه وإثبات صفتي السمع والبصر لنفسه فدل على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه إذ لا تلازم بينهما. Donc le chef il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre à leurs doutes, aux doutes de ces gens-là, qui font le tashbih ou le ta'qil, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans le Coran, il a parlé du tashbih, c'est-à-dire il a parlé du fait de faire ressembler Allah à sa création et il l'a nié. Quand il a dit laisa ka mithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir, donc dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a rien qui ressemble à Allah, il n'y a rien du tout qui ressemble à Allah et celui qui est l'audient et le voyant. Et il dit dans une autre ayah, hal ta'lam lahu samia, est-ce que tu lui connais un égal ou quelqu'un qui lui ressemble ou qui est équivalent à lui? Bien sûr que non. Ça c'est dans Surat Maryam verset 65. Après dans un autre verset, Surat Al-Ikhlas, tout le monde connaît ce verset-là, « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » C'est dans « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » Tout le monde connaît ce verset, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est semblable à Allah ou équivalent à Allah, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui est égal à lui. وَقَوْلُهُ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Et ne fais pas avec Allah subhanahu wa ta'ala des égaux avec lui. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ » Ne fais pas des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas des analogies entre la création et le créateur. Ne fais pas de comparer Allah à sa créateur. « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ » أخير الشيخ الجو ولكن مع نفسه عن نفسه مشابهة المخلوقين أثبت لنفسه صفات الكمال. ما ذكر الله سبحانه وتعالى أني في رسام الكياتر الله سبحانه وتعالى إلى أخير مئة من ساعة كلا لنفسه بسعفة الله الله سبحانه وتعالى إذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc, comme on a déjà parlé de ça, ça explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a, dans le même verset, rassemblé la négation de la ressemblance avec ses créatures, et il a affirmé qu'il a lui et qu'il a la vision. Donc, c'est pour expliquer que, en réalité, le fait qu'il ait lui et la vision, il faut pas, ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une ressemblance avec la créature. Allah, il a les attributs qu'il a sont spécifiques à lui et ne ressemblent pas à celles de sa création. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a aucune relation entre le fait d'affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala les attributs et la ressemblance à la créature. Il n'y en a aucune relation entre les deux. Le cheikh il dit « وَهَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَجِدُ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ مَعَ نَفْسِ التَّشْبِيهِ جنبا إلى جنب وهذا هو مذهب السلف الصالح يثبتون الصفات وينفون عنه التشبيه والتمثيل. Donc, et ça, ça se retrouve dans plusieurs versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala met côte à côte l'affirmation des attributs et la négation de la ressemblance avec la créature. Et il dit que ça, c'est la voie des prédécesseurs pieux, du salaf salih. Ils affirment les attributs et ils nient la ressemblance avec la créature. ومن زعم أن إثبات الصفات لا يليق بالله لأنه يقتضي التشبيه فإنما جره إلى ذلك سوء فهمه حيث فهم أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه فأداه هذا الفهم الخاطئ إلى نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا وارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه طاهرا من أقذار التشبيه لكان متبادر عنده والسابق إلى فهمه أن صفات الله بالغة من الكمال والجلال لا يقع أوهام علائق التشبيه والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الله عز وجل على وجه يليق به مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين أمام أما أو c'est que le chef, il dit, celui qui pense que le fait d'affirmer les attributs d'Allah, ça ne convient pas, le fait d'attribuer à Allah ces attributs-là, ça ne lui convient pas, parce que ça implique une ressemblance avec la créature. Alors, qu'est-ce qui a amené cette personne-là à penser ça? C'est sa mauvaise compréhension. Là. Parce qu'il a cru que le fait d'affirmer ces attributs-là, comme la tribu de la vision, ou la tribu de l'ouïe, ou la tribu, par exemple, de la colère, ou l'amour, ou la main, ou l'œil de Allah SWT, il croit que ça implique une ressemblance. Donc, c'est cette mauvaise compréhension-là qui l'a amené à essayer de nier ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Donc, en réalité, cette personne-là a fait deux fautes. Premièrement, elle a dans son esprit fait ressembler Allah à sa créature en croyant qu'il y a une ressemblance entre les deux. Donc, parce que si elle n'avait pas fait cette ressemblance-là, elle n'aurait pas compris qu'il faut le nier. Si elle n'avait pas cette ressemblance-là dans son esprit, elle n'aurait pas tout de suite sauté à la conclusion qu'il faut le nier parce que si on l'affirme, ça implique une ressemblance. Donc, la première chose qu'il a fait, c'est de faire la ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création. Et deuxièmement, la deuxième chose qu'il a fait, c'est de nier l'attribut. Donc, il a rassemblé les deux problèmes, les deux choses. At-tashbih wa at-ta'til, un après l'autre. Et c'est en fait le tashbih qui l'a fait tomber dans le ta'til. Parce qu'il a dit en premier, bon, quand Allah dit qu'il a une main, ça, si on dit que Dieu a une main, donc on va comprendre que il a une main qui est comme la création, donc il faut nier que Allah a une main. Donc, le fait qu'il a fait ça, c'est ça l'erreur. Mais si, en partant, c'est ça que le cheikh dit, mais si, en partant, son cœur était pur, et que son cœur avait été purifié de faire ressembler à Allah à sa création, ça aurait été clair à son esprit que, automatiquement, qu'il entend que Allah dit qu'il a une main, c'est pas une main comme les mains de ses créations. C'est une main comme Allah a une main qui lui convient à sa majesté, à sa grandeur et qui n'est pas comparable à celle de sa création, qui est parfaite, c'est des attributs de perfection et des attributs de majesté. C'est ça. Donc, s'il avait eu le cœur pur, eh bien son cœur aurait été prêt à croire aux attributs d'Allah SWT d'une façon qui convient à Allah SWT. Après le chef il dit, tout en purifiant Allah SWT de toute ressemblance avec sa création. أما من توهم أن صفات الله تشبه صفات المخلوقين فإنه لم يعرف الله حق معرفته ولم يقدره حق قدره ولهذا وقع فيما وقع فيه من ورط التعطيل وصار يسمي من أثبت لله صفات الكمال ونزهه عن صفات النقص على مقتضى الكتاب والسنة صار يسميه مشبها ومجسما نظرا لما قام بقلبه من توهم أن صفات الله تشبه صفات خلقه ولم يدري أن هذا الوصف أليق به فهو الذي أشبه أولا ثم عطل ثانيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le chef il dit, en ce qui concerne yani, celui qui a eu l'impression que yani, les attributs d'Allah ressemblent aux attributs de sa création, alors celui-là il n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être connu, yani, ou comme il lui a pas donné le respect qu'il lui doit. Et il est tombé dans le ta'til. Et à cause de ça, il a commencé à appeler celui qui affirme à Allah les attributs de perfection et qui a purifié, et qui l'a purifié des imperfections selon le Coran et la Sunna. Alors lui, il appelle ces gens-là des mushabbiha et des mujassima, c'est-à-dire il traite les gens de la sunna, il les appelle en disant « Ah, ces gens-là sont des mushabbiha », c'est-à-dire c'est des gens qui font ressembler Allah à sa créature. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'est-ce qu'Allah a dit. C'est-à-dire, si tu vas aller voir ces gens-là, tu leur dis « Ar-Rahman wa ala al-Arsh tawa » Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de son trône, eux ils vont dire عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc les gens qui ont affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute forme d'imperfection selon le Coran et la Sunna, eux ils les appellent des mujassim. Ils disent ça c'est un mujassim. Par exemple, si tu lis dans les écrits des Ahdash, par exemple dans l'internet, non, si vous allez voir dans les paroles des Ahdash par exemple ou des Asha'ira, quand il parle d'Ibn Taymiyyah, vous allez voir par exemple, il l'accuse, il dit Ibn Taymiyyah al-Mujassim, ou bien Ibn Taymiyyah al-Mushabbih, en disant, yani, ou bien Abdul Wahhab, Muhammad Abdul Wahhab, yani, Mujassim, ou bien Mushabbih, ou des noms comme ça. C'est-à-dire, ils disent, ah, c'est des gens qui font ressembler Dieu à sa créateur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, en fait, pourquoi? Parce qu'on dit ce que Allah a dit. C'est-à-dire, comme j'allais dire, si par exemple on dit le verset dans le Coran, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, Allah s'est élevé au-delà de son trône, on dit voilà, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, ça veut dire que Allah s'est élevé au-delà de son trône, tel on croit en ça, tel qu'il l'a révélé lui-même, on n'ajoute rien, on n'enlève rien à ça. Et eux, ils disent, ah, ça y est, vous êtes des mujassima. Vous êtes des mujassima. Parce que, vous avez dit ça, vous avez fait ressembler Allah à sa créature. Subhanallah. On a dit ce qu'Allah a dit. On a, hein. Donc, c'est ça le problème des gens de Bid'a, yani. Ils vont, en réalité, ce sont eux qui ont fait le péché et qui ont fait le ta'fil. Parce que, premièrement, dans leur esprit, ils ont imaginé Allah, ses attributs, et ils ont vu que c'était, ils croient que c'est comme ça, les attributs de la création. Donc, automatiquement, ils se sont sauvés. Pour essayer de dire que Allah ne ressemble pas à ses créatures, il faut nier l'attribut tel quel. Il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas le dire de cette façon-là. Donc, le chef, il dit en réalité, les noms, les descriptions qu'il donne aux gens de la Sunna s'appliquent en réalité à eux. Et ce sont eux qui sont les premiers à tomber dans le Tashbih et deuxièmement dans le Ta'fil. Après le cheikh dit « Wala hawla wala quwwata illa billah ». Ensuite le cheikh il commence, il va citer les paroles de l'imam Abu Bakr, yani c'est l'imam al-a'imma wa nasir al-sunna Abu Bakr ibn Muhammad, Abu Bakr Muhammad ibn Khuzayma, rahimahullah. Donc c'est le cheikh il dit « Qala l'imam, qala imam al-a'imma wa nasir al-sunna Abu Bakr محمد ابن خزيمة رحمه الله في الرد على الجهمية وتلاميذهم ممن زعم أن إثبات الصفات لله عز وجل يقتضي التشبيه، وننقل كلامه مختصرا في هذا الموضوع. Donc le cheikh il mentionne les paroles de il le décrit comme étant l'imam des imams et le celui qui a défendu la sunna Abu Bakr Muhammad ibn Khuzaymah rahimahullah. souvent les imams ou les ulama, quand ils décrivent un imam ou un grand savant parmi les salafs, ils le décrivent avec des titres de ce genre-là pour montrer son, comment il était un des grands imams de Ahl Sunna wal Jama'a. Parce qu'il est parmi les salafs, hein, parmi les savants des premières générations, des trois premières générations. C'est écrit ici en l'an 311. Donc c'est dans le premier siècle. Et Tawhid, yani Al-Tawhid par l'imam Ibn Khuzaymah. Et il a un autre livre aussi qui s'appelle Ibn As-Sunnah par Ibn Khuzaymah. Donc d'après moi c'est dans le livre ici qui est As-Sunnah, dans lequel il a réfuté. Dans les deux il réfute aux gens, aux Jahmiya et à leurs élèves au sujet des attributs d'Allah spontanément. Donc il va mentionner ces paroles. Il dit « قال رحمه الله وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت به المثبت بين الدفتين على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا وقلة معرفتهم بلغة الذين بلغتهم خطبنا. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Khuzaymah rahimahullah? Il dit Al-Jahmiya, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Al-Jahmiya, on a déjà parlé d'eux, ce sont les gens qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. Et puis on a expliqué aussi que Ahl Sunnah, yani les ulama d'Ahl Sunnah parmi les salafs qui vivaient à leur époque, ils les ont tous déclaré comme étant des non-musulmans, c'est-à-dire des kuffars. Ils ont dit que ce sont des gens qui sont en dehors de l'islam. Et il a dit, les Jahmiyyah ont cru que Ahl Sunnah ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il décrit Ahl Sunnah dans son explication. Il dit, les Jahmiyyah que la malédiction d'Allah soit sur eux, ont cru que Ahl Sunnah, ceux qui suivent les rapports, c'est-à-dire les choses qui ont été rapportées par le professeur sallam et les salaf, et qui disent uniquement ce que dit Allah dans son livre et ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, et qui affirment à Allah sallallahu alayhi wa sallam les attributs que Allah s'est affirmé pour lui-même dans son livre, dans sa révélation, et qui, c'est-à-dire qu'est-ce qui est établi entre les deux couvercles du livre, c'est-à-dire le Coran, et aussi qui affirme les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté d'une personne fiable à l'autre, c'est-à-dire les chaînes de narrateurs, la chaîne de narrateurs qui ont été utilisées pour transmettre ces rapports ou ces hadiths-là, sont toutes des chaînes qui ont été authentiques. Mawsoulan, c'est-à-dire elles sont toujours, c'est des chaînes qui sont pas coupées, il n'y a pas de rupture dans la chaîne, c'est des chaînes complètes. Et il a dit donc, eux ils nous ont dit, ils nous ont accusés d'être des mushabbiha. Et ça c'est de leur ignorance du livre d'Allah. C'est à cause de leur ignorance du livre d'Allah et de la sunna de son message, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à cause du peu de connaissance de la langue dans laquelle ils nous ont parlé. C'est-à-dire la langue des premiers musulmans, la langue, c'est-à-dire l'arabe classique, pure comme elle était utilisée au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit, wa illa an qal, c'est-à-dire jusqu'à ce que le cheikh dise, Ibn Khuzaymah, nahnu naqulu, وعلماؤنا جميعا من جميع الأقطار أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله فذواه الله بالجلال وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك نقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ونقول إن لنبي آدم وجوها أو لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك ونقول إن أوجه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها الله فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة وأوجدها بعدما كانت عمدا وإن جميع وجوه بني آدم ثانية غير باقية تصير جميعا ميتا ثم رميما ثم ينشئها الله سبحانه وتعالى بعدما صارت رميما ثم تصير إلى جنة منعمة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها. Donc le Cheikh, subhanallah, il explique ici, il parle, il dit, et nous, c'est-à-dire nous, Ahl Sunnah, et tous nos ulama de tous les territoires, de tous les pays, toutes les contrées, on a dit que notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'on adore, a un visage comme il nous a révélé cela dans son livre. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, كل شيء هالك إلا وجهه. Toute chose va périr except son visage. Et il dit dans un autre verset, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est dans l'univers va périr. Et ce qui va rester c'est uniquement le visage d'Allah سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc Allah a décrit, c'est décrit lui-même comme ayant un visage. Et après le chef il dit, donc son visage est rempli de noblesse et de majesté, et il a affirmé que son visage va demeurer, et il ne va pas périr. Et nous on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a un visage qui est lumière et clarté, et illuminé, et que si Allah subhanahu wa ta'ala retirait le voile de son visage, eh bien, l'éclat de son visage allait brûler tout ce que son regard atteint. Tout ce que le regard d'Allah atteint allait brûler s'il enlevait de son visage son hijab, son voile. Ça, c'était rapporté dans un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il dit, wa naqul. Et on dit, les enfants d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains, eux aussi, ils ont des visages. Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, a décrété que leur visage allait périr. Le visage des êtres humains, pas comme le visage d'Allah. Le visage d'Allah, il ne périt pas, tandis que le visage des êtres humains, il périt. Donc là, il montre la différence entre la création et Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit, نقول إن أوجه بني آدم محدثة مخلوقة. C'est-à-dire, les visages de la création, des êtres humains, sont créés. Elles n'étaient pas qui elles sont venues. C'est-à-dire, elles ont été précédées par le néant. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Allah, il est l'éternel, le premier et le dernier. Après, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces visages-là alors qu'ils n'existaient pas. Il l'a fait être, il l'a créé alors qu'il n'existait pas. Et puis, tous les visages des fils d'Adam vont tous périr. Elles vont pas rester éternellement. Elles vont toutes devenir de la poussière dans la terre quand on va mourir, hein. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les faire revivre, il va la refaire, ce visage, et il va soit les mettre au paradis, soit les mettre en enfer. Donc, c'est ça que le chef a expliqué. Après, le chef a dit, « فَهَلْ يَخْطُرُ يَا ذَوِي الْحُجَى بِبَالِ عَقِلٍ مُرَكَّبٌ فِيهِ الْعَقْلِ يَفْحَمُ لُغَةَ الْعَرَبِ وَيَعْرِفُ خِطَابَهَا وَيَعْلَمُ التَّشْبِيهِ أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجها وللخنازير والقردة والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها قد شبه وجوه بني آدم وجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها ممن ذكر لست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب. الشيخ ما شاء الله يلتني بذلك عندما vraiment fort là, il dit est-ce que et là il s'adresse aux gens en réalité en essayant de les exhorter par leur intelligence et par leur bon sens en les appelant par des termes qui dit par exemple ô vous qui possédez l'intelligence et la raison, hein, il les appelle de cette façon là pour les faire réfléchir. Il dit, est-ce que vous pensez, yani, vous qui avez compris la langue arabe, c'est-à-dire qui vous comprenez le discours, comment la langue arabe est structurée et tout ça, est-ce que vous pensez que entre ces deux sortes de visages-là qu'on a expliqué, il y a une ressemblance entre le visage d'Allah, tel qu'on l'a décrit selon le Coran et la Sunna, et le visage des créateurs? Est-ce que vous allez dire qu'il y a une ressemblance entre ces deux-là? Hein, il n'y a pas du tout de ressemblance et il n'y a aucune ressemblance du tout entre ce qu'on a affirmé dans le Coran et dans la Sunna pour Allah et entre ce qu'on a affirmé pour les attributs des créateurs. Et donc le cheikh il dit, et si parmi nos ulama il y en a qui auraient fait un tashbih, par exemple, si quelqu'un allait dire les êtres humains ont un visage et les porcs et les singes et les animaux, les bêtes sauvages, et les ânes, et les serpents, et les scorpions ont des visages. Alors, est-ce que quelqu'un va dire, on peut dire que le visage des êtres humains ressemble au visage des porcs et des singes et des chiens, hein? Et après le chef il dit, et je pense pas que le plus intelligent et le plus rationnel des derniers qui ont nié les attributs d'Allah, que si on lui dit par exemple ton visage ressemble au visage d'un porc ou d'un singe ou d'un chien ou d'un âne, est-ce que il dit je pense pas qu'il va faire autre chose que se fâcher, hein? Parce qu'en réalité il y a tu lui fais ressembler à quelque chose alors qu'il n'y a aucune ressemblance, et ça c'est une forme d'insulte quand tu dis à quelqu'un t'as un visage de porc, de rat ou de hein. Donc c'est pour ça que le fait quand on dit Allah a un visage, il n'y a aucune ressemblance avec le fait de dire que l'être humain a un visage et Allah a un visage. Le visage d'Allah c'est un visage qui convient et qui lui revient par sa majesté, par sa grandeur. Il n'est pas du tout comparable ou pareil à quoi que ce soit des visages de la création. Après le cheikh dit, il a un qala rahimahullah. فإذا كان imagine ça c'est écrit en 311 Hijri et il répétait les gens de Jahmiya avec ces exemples là avec beaucoup de force. Al Jahmiya, on avait dit la dernière fois que Al Jahm ibn Safwan il était né en j'ai oublié tout le temps Al-Ja'd ibn Dirham, le premier, c'était, il est mort en 124. Et Jahm ibn Safwan en 127. Donc c'est là, vers le début du temps des Tabi'in, d'après moi. Allahu A'lam. Dans cette époque-là. Au début, c'était des personnes, des individus. Puis après, ça s'est. C'est pas un groupe, mais après, ça s'est répandu. Puis là, quand ils ont réussi à prendre le pouvoir à un moment donné, là, ils ont répandu la Aqidah partout. Avec, pendant l'Abbas, c'est là, ça, l'Abbasiyya. Donc, ici, il y a, en tout cas, on va continuer ça, puis après, on va expliquer peut-être les détails. Le Cheikh dit, il a un fala, rahimahullah. فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج عن مثال العرب. شيخ الزدانك ابن خزيمة الكونتينيو ايزي alors Donc si quelqu'un a bien compris ce qu'on a mentionné, ce qu'on a décrit, alors c'est clair pour les personnes qui ont la raison et qui sont capables de faire une distinction entre entre les choses vraies et les choses fausses. Et ça devient clair pour lui que ceux qui accusent Al-Athar, c'est-à-dire les gens qui suivent la Sunna et qui affirment les attributs d'Allah, et les attributs d'Allah tels qu'ils sont dans le Coran et dans la Sunna, c'est clair que de les accuser du tashbih, c'est un mensonge, c'est quelque chose de faux, c'est une calomnie, et c'est contraire au Coran et à la Sunna, et la personne qui fait ça, elle a contredit même la langue arabe. Et ensuite le Cheikh dit, il a un qal, rahimahullah, wal mu'attila min al-jahmiya, تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه. Donc le Cheikh il dit que les mu'attila, les jahmiya, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah s'est attribué à lui-même dans le Coran et par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, à cause de leur ignorance de la science, c'est-à-dire ils n'ont aucune connaissance. Donc quand ils ont étudié le Coran, quand ils ont trouvé que dans le Coran il y a Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué des noms et que ces mêmes noms-là sont attribués en même temps à sa créature, ils ont eu l'impression que, à cause de leur ignorance, que celui qui donne ces attributs-là à Allah, celui qui donne ces attributs-là à Allah, il est en train de donner à Allah la même créature que celle, la même attribut que celle qui a été donnée à sa créature. Ils ont eu cette impression. Donc le Cheikh il dit ensuite, فَاسْمَعُوا يَا ذَوِي الْحُجَى مَا أُبَيِّنُ مِنْ جَهْلِ هَؤُلَاءِ الْمُعْطِلَى. Il dit, écoutez bien, ceux d'entre vous qui avez la raison, ce que je vais clarifier de l'ignorance de ces négateurs. أقول وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير فقال هو السميع البصير وذكر عز وجل الإنسان فقال فجعلناه سميعا بصيرا وأعلمنا عز وجل أنه يرى فقال قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى فاعلم فأعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا وقال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء. Donc le cheikh là, il donne un exemple, il essaie de faire des explications en se basant sur le Coran pour faire des comparaisons, pour faire comprendre que le fait que quelque chose soit affirmé au créateur, parce qu'en fait dans le Coran, Allah il a affirmé des attributs à ses créateurs et il a utilisé les mêmes mots pour se décrire lui-même, et donc c'est clair qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de ressemblance. Donc le cheikh il dit, tu as trouvé que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même dans plusieurs endroits dans son livre, et il a dit à ses serviteurs qu'il est celui qui entend et qui voit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, wa huwa as-sami'ul basir, Allah il dit qu'il est celui qui est l'audient et le voyant. Et Inch'Allah, Alhamdulillah, la discussion n'était pas intéressante. Non. Et après, donc on a dit qu'Allah il a dit qu'il est As-Sami' al-Basir, et en même temps Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit فَجَعَلْنَاهُ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ. Ça c'est Et on l'a fait voyant et audient et voyant. Donc, les deux, Allah SWT est voyant et audient, et l'être humain est voyant et audient. Sauf que, entre les deux, il y a aucune comparaison. Après, le cheikh il donne un autre exemple, il dit, وَأَعْلَمَنَا عَزَّ وَجَلْ أَنَّهُ يَرَى فَقَالَ وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والمؤمنون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dit leur de œuvrer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il va voir vos œuvres ainsi que le messager et les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa et à Haroun, inni ma'akuma asma'u wa ara. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa et à Haroun, moi, je suis avec vous, je vous vois, je vous entends et je vous vois. Donc, il a décrit il s'est décrit lui-même comme étant, comme en disant qu'il regarde et qu'il voit les serviteurs, et il a décrit aussi la créature comme ayant cet attribut, c'est-à-dire être capable de voir et de regarder. Après, il mentionne un autre exemple, il dit fa'alam. فأعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا. Donc il a dit que Allah nous a fait savoir que il voit nos actions, il voit les actions et il voit les actions des fils d'Adam, et le messager lui aussi, alors qu'il est un être humain, et lui aussi il voit nos actions. Et après il dit وقال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. Donc Allah il dit dans le Coran, n'ont-ils pas vu l'oiseau qui est dans le ciel, yani. Donc c'est un autre exemple qui dit que les êtres humains aussi ils voient les oiseaux dans le ciel, la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala il le voit. وقال عز وجل واسمع الفلك بأعيننا وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فثبت ربنا لنفسه فثبت ربنا لنفسه عينا وثبت لنبي آدم أعينا فقال ترى أعينهم تفيض من الدمع فقد أخبرنا ربنا أن له عينا وأن لبني آدم أعينا. Donc il donne l'exemple des yeux. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit et construit le bateau, yani l'arche, sous notre regard, yani sous nos yeux. Des a'yunina, sous nos yeux. Donc, ça c'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Nuh de construire l'arche. Il lui a dit que il était sous son regard, yani, sous ses yeux. Oui. Sous nos yeux. Après, il mentionne un autre verset où Allah s.a. dit « وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا » et « Sois patient au jugement de ton endur et sois patient pour le verdict de ton Seigneur ou le jugement de ton Seigneur car tu es sous notre regard, sous nos yeux. « فَثَبَتَ رَبُّنَا لِنَفْسِهِ عَيْنًا » Allah s'est attribué des yeux. Et il a attribué au fils d'Adam aussi des yeux. Il a dit, Tara a'yunahum, tafidu min ad-dam'i, en parlant des gens du livre, lorsqu'ils entendent le Coran pour la première fois, hein, Allah il dit, Zalika bi'anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun, wa idha sami'u ma anzalallahu, wa idha sami'u ma anzalna, je suis pas certain, mais en tout cas, Allah dit « Tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i » Tu vois leurs yeux débordés de larmes. « Mimma arafu min al-haq » À cause de qu'est-ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Allah il a affirmé que la créature a des yeux et il a affirmé que lui-même a aussi des yeux. Après il dit « Wa qala li iblis la'anahu Allah » ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ها؟ وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فثبت ربنا عز وجل لنفسه يدين وخبرنا أن لبني آدم يدين. Donc il dit que Allah a dit à Iblis, malédiction d'Allah soit sur lui, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Hein? Et après il dit, et Allah dit, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ. Ses deux mains sont grandes, ouvertes, et il distribue sa subsistance comme il veut. Hein? Donc, le cheikh il dit, Allah a affirmé pour lui-même qu'il avait deux mains, et aussi pour les fils d'Adam. أَفَيَلْزِمُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْفَتَقَ أن من يثبت ما أثبته الله في هذه أن يكون مشبها خالقه بخلقه حاشا لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم انتهى كلامه سبحان الله. Et le chef il dit pour conclure, yani qu'est-ce qui est écrit ici, il dit, est-ce que, on va conclure, il dit, est-ce que ces gens pervers là vont conclure que celui qui affirme ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, que celui qui fait ça, il a fait ressembler Allah à sa création, il dit qu'Allah soit purifié de penser une chose pareille. Yani, ça n'a rien à voir avec le tashbih, yani, c'est pas une forme de ressemblance avec sa créature. Et ça, c'est ce qu'ils ont prétendu à cause de leur ignorance, yani. Yani, subhanallah, et si ils disent qu'en fait, que celui qui affirme ça, il fait le tashbih, c'est comme s'ils accusent Allah lui-même de faire le tashbih. Puisque c'est Allah lui-même qui dit ça. C'est pas nous, yani. Hein. Tout ce qu'on dit, nous, c'est ce qu'Allah a dit. Donc le cheikh dit, هذا مما رد به إمام الأئمة محمد بن خزيمة على الجهمية وتلاميذهم وهو رد مفحم لا يستطيعون الإجابة عنه وقد رد عليهم أيضا كبار الأئمة من أمثال الإمام أحمد وشيخ الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ولا تزال ردودهم والحمد لله بأيديهم بأيدي أهل السنة والجماعة. الشيخ دي ولا كما الإمام محمد بن الخزيمة a répondu aux Jahmiya et à leurs élèves, et c'est une récitation يعني brûlante en fait, c'est comme مفحل, c'est comme une sorte de ça les brûle en fait. Et puis ils ne sont pas capables de répondre à ces récitations là et la plupart des grands imams ont écrit aussi des récitations pour ces gens là comme par exemple l'imam Ahmad, le cheikh Ibn Taymiyyah ou Ibn Qayyim, et ces récitations là sont toujours présentes dans les mains de Ahlus Sunnah wal Jama'ah pour réciter à ces gens là et puis j'étais en train de relire des passages du livre de le fils de l'imam Ahmad, c'est Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, dans son livre As-Sunnah. Et puis tu vois que les citations des imams, parfois c'est des citations très courtes, des réponses très courtes. Sauf que il y a dans ces réponses-là des arguments, c'est tellement puissant. Yani en une phrase, même moins qu'une phrase, il détruit les arguments des Jahmiyyah. Par exemple, il disait, il y en a un qui dit par exemple au Jahmiya, tu dis que la parole d'Allah est créée, il dit oui. Alors il dit, est-ce qu'il l'a créée avant de l'avoir dit ou après de l'avoir dit? Et l'autre fait, c'est quoi dire? ou bien j'ai lu un autre exemple comme ça, il disait, regarde, c'est soit que le Coran il est créé, ou bien il est Allah, un des deux. Alors, lequel des deux il est? Il dit, c'est pas, il dit, c'est ni un ni l'autre. Allah dit dans le Coran, ala lahul khalq wal amr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit qu'il a la création et l'ordre. Et donc, le Coran, ça fait partie de l'ordre. Ça fait partie de la création. Puisque c'est son ordre, c'est sa parole. C'est pas quelque chose qu'il a créé. Et puis il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, ça ne me vient pas à l'esprit, mais j'en mentionnerai peut-être, j'en amènerai d'autres la prochaine fois, la semaine prochaine, et puis vous allez voir, c'est quelqu'un qui connaît ces explications, ces réfutations-là après, il arrive à comprendre très, très facilement après comment les imams de l'Ahlus Sunnah ont récité ce genre-là, yani avec des preuves du Coran et de la Sunnah. Celui que j'ai mentionné maintenant, ah, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais toujours en se basant sur le Coran et la Sunna. Yani. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, dans plusieurs versets qu'il parle. وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا فَكَلَّمَهُ رَبَّهُ فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ كلمه ربه. Et il y a beaucoup d'autres versets. Il y a une ayat dans surat al-Tawbah. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. C'est-à-dire, et si un des mushrikines il te demande de la protection, il passe, disons, dans le pays, puis il demande d'être protégé, ça veut dire que personne ne le tue. Yani. Alors, protège-le, donne-lui la protection, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ensuite, escorte-le jusqu'à l'endroit où il veut aller. C'est-à-dire, ça c'est une preuve aussi que Allah a décrit sa parole, le Coran comme étant sa parole. Donc, beaucoup de versets comme ça aussi. Donc, c'est ça. Mais on y reviendra peut-être si on a la chance, Inch'Allah, d'étudier d'autres livres qui expliquent plus en détail ces affaires-là, Inch'Allah. On va comprendre après les arguments, tout ça. Après, le cheikh il dit « وَنَسُوقُ نَسُوقُ مِنْ ذَلِكَ نَمُوذِجًا مِنْ رَبِّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ هَؤُلَاء زَعَمَتْ أَنَّ النُّسُوقَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ في صفات الله عز وجل هي من قبيل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه لا يعلم معناه إلا هو فهذه النصوص بزعمهم ليست على ظاهرها لأن ظاهرها عندهم التشبيه بل لها معنى لا يعلمه إلا الله فيفوضون معناها إلى الله ويزعمون أن هذه طريقة السلف وقد كذبوا على السلف ونسبوا إليهم ما هم براء منهم لأن عقيدة السلف إثبات صفات الله عز وجل كما دل عليها الكتاب العزيز والسنة النبوية وأنها على ظاهرها ويفسرون معناها على ما يليق بجلال الله ولا يفوضونها بل هي عندهم من المحكم لا من المتشابه. Donc le cheikh il dit, et on va suivre maintenant comment le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a procédé pour réfuter un groupe de ces gens-là qui ont prétendu que les textes du Coran et de la Sunna au sujet des attributs d'Allah font partie de qu'est-ce qu'on appelle al-mutashabih, de texte qui porte à équivoque ou bien qui a un sens ambigu, et qu'on ne peut pas connaître son sens clairement. Donc le chef il a répondu à ces gens-là qui croient que les attributs font partie de mutashabih et qui fait partie de ce que Allah a gardé comme science auprès de lui et que personne d'autre que lui ne connaît. Donc, il dit, ces attributs-là, ou ces textes-là, selon leurs idées à eux, on ne peut pas les prendre tels quels. C'est-à-dire, les textes qui parlent des attributs d'Allah ne doivent pas être pris au sens apparent, selon eux, car si on les prend au sens apparent, ça implique une ressemblance. Et donc ils disent que ces attributs-là ont une signification qu'uniquement Allah connaît et ils laissent ou ils remettent à Allah la connaissance de leur signification. C'est-à-dire, ils disent que c'est des mots qui n'ont pas de signification, que seul Allah connaît. Et ils croient que ça c'est la voie du salaf, comme on en avait parlé la dernière fois, et ils ont menti en attribuant ça au salaf car la voix des salafs, les salafs sont innocents de cette position-là, et en fait on sait que depuis qu'on a étudié cette aqidah, que la voix ou la aqidah, la croyance des salafs au sujet des attributs d'Allah, comme ça a été prouvé par le Coran et la Sunna, c'est qu'on doit y croire à son sens apparent, et on doit, que les salafs ils croyaient aux attributs d'Allah dans son sens apparent, et qu'il expliquait ces attributs-là selon une signification qui convient à la majesté d'Allah, et ils ne font pas le tafouir, c'est-à-dire ils n'ont pas la connaissance de la signification de ces noms. Pour eux, ça ne fait pas partie des choses qui sont mutashabih, ça fait plutôt partie du muhkam. Ça ne fait pas partie des choses qui ont un sens équivoque ou qui sont ambiguës, mais ça fait partie de ce qui est des textes clairs qui sont compréhensibles pour tout le monde, explicites. Non. Donc le cheikh il dit قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَكَابِرِهِمْ يعني نفات الصفات إن معاني هذه النصوص لا يعلمها إلا الله وإن معناها الذي أراده الله بها هو ما يجب صرفها عن ظواهرها فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه إلى أن قال رحمه الله معلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر به أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله مع هذا فأشرف ما فيه هو ما أخبر به الرب عن صفاته وعن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم وعن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد أو ما أخبر به عن يوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. Donc le chef il explique en fait ce qu'il dit c'est que yani la plus grande partie de ce que ces gens-là disent yani ceux qui nient les attributs c'est que les significations de ces textes-là qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala personne ne connaît leur signification excepté Allah subhanahu wa ta'ala et la signification qu'Allah a voulu c'est ce qu'on doit détourner de son sens apparent. Alors, selon les paroles de ces gens-là, les prophètes et les anges et les messagers ne savaient pas du tout ce qui avait été descendu sur eux de ces textes. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Et ni les anges, ni les as-sabiqun al-awwalun, c'est-à-dire les premiers croyants, ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire que pour eux, tout ce que Allah a utilisé pour se décrire lui-même dans le Coran, ou beaucoup de ce que Allah a utilisé comme les attributs pour se décrire lui-même, les prophètes ne savent pas ce que ça signifie. Et ils récitaient des paroles dont ils ne comprenaient pas la signification. Ensuite, ils disent, et ça, c'est clair que c'est une insulte, une attaque contre le Coran et les prophètes. Et si Allah a fait révéler le Coran et il a fait savoir que il a fait de ce Coran un guide et une clarification pour les hommes et il a envoyé les messagers pour transmettre un message clair, al-balagh al-mubin, hein, une transmission claire. Et pour clarifier aux hommes ce qui, parce qu'Allah, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de clarifier aux hommes qu'est-ce qui leur a été révélé, hein. Et le plus noble et il a ordonné aussi aux hommes de méditer et de réfléchir sur l'essence du Coran, hein. Et qu'est-ce qui est de plus noble dans le Coran? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le Coran? Si c'est pas les noms et les attributs d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si c'est pas de connaître notre Créateur, de connaître qui il est et comment tu peux adorer ton Créateur si tu ne le connais pas, comment tu peux le craindre si tu ne le connais pas, comment tu peux avoir l'espoir en lui et l'aimer si tu ne le connais pas. Donc c'est comme un cheikh une fois il nous disait, si n'importe qui te dit adore quelque chose, mais on te dit pas comment il est, on te décrit pas quoi que ce soit de cette chose, est-ce que tu es capable de l'adorer? Impossible. Donc c'est pour ça que ces gens-là, en fait, ils appellent à avoir une notion, en fait, complètement vide à propos d'Allah. Hein? Tu ne peux pas dire à quelqu'un « adore une chose » et puis tu ne sais pas du tout les attributs de cette chose. Hein? Donc le chef il dit que c'est ce qui est le plus noble dans cette révélation-là, c'est bien les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. et aussi le fait qu'il crée toutes choses et qu'il sait toutes choses et le fait que Allah ordonne et interdit et promet et menace et aussi qu'il a annoncé aux gens qu'il y a un jour dernier. Hein, tout ça, ça fait partie de ce qu'Allah a révélé et donc eux ils disent que c'est quelque chose que personne ne peut comprendre. Donc ça ne fait pas de sens, et on ne peut pas le réfléchir, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas méditer dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager, eh ben, il n'a pas expliqué aux hommes ce qui lui a été révélé. Et il n'a pas transmis le message d'une transmission claire. وقال رحمه الله نافيا هذا القول عن السلف. Et ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, il continue en niant par la suite qu'est-ce qui a été attribué de faussé au salaf à ce sujet. Il dit, أما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعد ذلك في المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله فنقول ما الدليل على ذلك؟ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة ولا أحد ولا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية يعني قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فنفى أن يعلم أحد معناه ونفى أن يعلم أحد معناه وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم إنما قالوا كلمات لها معاني صحيحة قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت تمر كما جاءت ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها نفى أن يعلم أحد معناه وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يفهم ومما قالوا كلمات لها معاني صحيحة قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها ثم مضمونها تأصيل النصوص عما دلت عليه ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا وأن لا يسكتوا عن بيانه وتفسيره بل يبينوا ويفسروا باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه وإلحاد في أسماء الله وآياته. Donc ça là, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet. Et l'imam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc il dit de faire entrer les noms et les attributs d'Allah dans ce qu'on appelle al-mutashabih, c'est-à-dire les choses qui ont un sens équivoque, ou bien qui sont ambiguës, qui n'ont pas un sens clair et précis. Donc on dit, c'est quoi la preuve de ça? C'est quoi la preuve que le nom d'Allah entre dans ça? Ibn Taymiyyah dit, je ne connais aucun parmi les salaf de cette umma, ni des imams, comme par exemple, ni des imams Ahmad, Ibn Hanbal, et ni d'autres que lui, qui ont fait entrer les noms et les attributs d'Allah dans Al-Mutashabih, dans le verset de Surat Al-Imran, le verset 7, et c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Dans ce livre, il y a des versets qui sont clairs, explicites, et qui sont la base ou la fondation du livre, et ukhar wa ukharu mutashabihat, et d'autres versets qui sont mutashabihat, ou un sujet à interprétation, ou à qui sont plus un sens qui équivoque, ou qui ont plusieurs significations, qui sont plus ambiguës, qui peuvent interpréter de différentes façons. Donc, il dit, je connais personne qui a fait rentrer ça dans ce verset-là. Et après, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui a dit que personne ne pouvait le connaître. Il dit, je connais personne qui a dit que personne ne pouvait connaître les significations des noms d'Allah. Ou qui ont fait des noms d'Allah, yani, qui les ont rendus égales à des mots, dans la langue, dans une langue étrangère. Par exemple, si, c'est ça, ils l'ont fait ressembler à une parole, il y a une kalam al-ajami, c'est-à-dire les paroles des noms arabes. Parce que, ils parlent, c'est-à-dire, si par exemple, tu parles une langue, puis quelqu'un parle chinois à côté de toi, alors que toi tu ne comprends pas le chinois, eh ben, c'est comme si pour eux, le fait de, d'entendre les noms d'Allah, c'est comme si c'est du chinois, c'est-à-dire ça, les noms d'Allah n'ont pas une signification pour eux. وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة وقالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت. Donc ils ont seulement dit ce sont des mots qui ont des significations vraies et ils ont dit au sujet des attributs d'Allah elles passent comme elles sont. Donc ça c'est ce qu'ils prétendent ces gens-là, mais en fait si on regarde réellement qu'est-ce que les imams ont fait, les imams d'Al-Sunnah, ils ont refuté les arguments et les interprétations des Jahmiyyah, qui finit les attributs. Ils les ont refutés, ils ont montré leur fausseté. Et aussi, donc il dit les textes des imams d'Ahmad et des autres imams avant lui sont clairs que ces gens-là, ces imams-là, refutaient les interprétations des Jahmiyyah. Et ils affirmaient les textes et ce qu'ils impliquaient de signification. Et ça, c'est tous les imams qui étaient d'accord et qui, c'est-à-dire qui étaient d'accord sur le fait qu'ils connaissaient leur signification. Et ils ne restaient pas, ils se taisaient pas de l'expliquer, de clarifier ces significations-là. Ben, en fait, il faut les expliquer, il faut les interpréter selon la majorité des, ou selon l'accord de tous les imams. Sans faire de tahrif, c'est-à-dire sans déformer l'attribut de son sens, ou de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms et ses versets. Et donc ça, c'est ce que l'imam Ibn Taymiyyah a affirmé, et il a dit ça au sujet des imams des salafs, que eux, ils ne faisaient pas faire, ils n'entraient pas les attributs d'Allah dans ce qui est al-mutashabih. Et il ne faut pas comprendre, ils ne faisaient pas entrer les attributs d'Allah dans ce qui est al-mutashabih. Qu'on peut pas, c'est-à-dire parmi les choses qu'on ne peut pas comprendre leur signification et qu'on est obligé de remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que personne ne peut comprendre leur signification excepté Allah. En fait, ils ne faisaient pas ça, ils disaient qu'ils connaissaient leur signification et ils les expliquaient, ils expliquaient aux gens qu'est-ce que ces attributs-là signifiaient, mais ils remettaient la connaissance du comment, c'est-à-dire comment sont ces attributs-là, ils le remettent à Allah. En ce qui concerne la signification, ils savaient la signification et ils expliquaient la signification. Et donc, après, ils donnent l'exemple encore de la citation de l'imam Ahmad, « Al-Istiwa ma'loum, wal-kif majhoul, wal-imam bihi wajib, wal-su'al anhu bid'a. » L'istiwa, le verbe « istiwa » il est connu et le « comment » il est inconnu. La foi en cette chose-là, en l'istiwa, il est obligatoire dans l'islam, et de demander comment au sujet des attributs d'Allah, c'est une bid'ah. Après, une dernière citation de l'imam Ibn Kathir, tout le monde connaît le cheikh qui a écrit le tafsir, le Qur'an al-Azim, c'est l'imam Ibn Kathir, il explique l'explication du verset dans Surat Al-A'raf, verset 54, et Surat Yunus, verset 3, où Allah dit « ثم استوى على العرش » et par la suite Allah s'est s'élevé au-delà du trône. Là, il donne l'explication ou l'interprétation de Ibn Kathir au sujet de ce verset-là. Et on sait que Ibn Kathir c'est un des plus grands élèves de l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Il dit فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث ابن سعد والشافعي وأحمد وأسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفع عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى انتهى كلامه وهذا مذهب السلف في أسماء الله وصفاته وهو إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تشبيه لها بصفات المخلوقين ومن غير تعطيل ونفي لها بل إثبات بلا تشبيه وتنزيه لله بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن نسب إلى السلف أن مذهبهم التفويض فقد كذب وافترى عليهم ورماهم بما هم بريئون منه نسأل الله العفو والعافية. Donc ça fait déjà un an qu'on a commencé là, donc Inch'Allah, c'est bien, une autre année pour le reste, je dirais, Inch'Allah. En tout cas, je vais traduire la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, en ce qui concerne le verset, où la partie où Allah dit « Thumma stawa ala l'arche », puis par la suite il s'éleva au-delà du trône, le cheikh il dit, les gens ont beaucoup de paroles sur ce sujet-là, mais il dit c'est pas maintenant le moment de rentrer dans les détails et de parler beaucoup sur ça, sauf que je vais suivre dans ce point, je vais expliquer la voie des salafs salih, comme l'imam Malik, Al-Awza'i. On va arrêter pour l'Azan et puis on va continuer tout de suite après. C'est ça, c'est لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله والحمد لله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc le cheikh il dit, et donc on va suivre on va expliquer seulement la position des salaf ou la voie des salaf salih, et il mentionne un nombre d'entre eux comme l'imam Malik والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية et autres parmi ces imams, parmi les imams des musulmans dans le passé et actuellement. Il parle de son époque. Et il dit que c'est de les prendre tels qu'ils sont venus. Sur un tribut-là, on les prend tels qu'ils sont venus, sans de demander comment et sans faire ressembler Allah à sa création, ou ses attributs-là aux attributs des créatures, et sans les nier. Et le cheikh, il dit par la suite, et le sens qui est apparent qui vient à l'esprit des gens qui font ressembler Allah à sa créature est rejeté. Parce qu'il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa créature. Et Allah dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir » Il n'y a rien qui lui ressemble et il est celui qui voit tout et qui entend tout. Et en fait, dans ce sujet, c'est comme les imams, on doit dire comme les imams de l'islam ont dit, comme par exemple Nu'ayn ibn Hammad, on a déjà cité sa citation, c'est Nu'ayn ibn Hammad al-Khuza'i, c'était le chef de l'imam al-Bukhari, il a dit, celui qui a fait ressembler Allah à sa création, il est mécréant, il a fait une mécréance. Et celui qui a nié ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, il a fait une mécréance. Et il n'y a pas dans ce qu'Allah s'est décrit, ou il n'y a pas dans ce qu'Allah s'est attribué pour lui-même, ainsi que son messager lui a attribué, il n'y a pas de ressemblance avec la créature dans ça. Alors celui qui affirme ce qu'Allah s'est affirmé dans les versets clairs et dans les hadiths qui sont authentiques, de la façon qui convient à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nie pour Allah, ce qu'Allah a signé d'imperfection, alors il a suivi la voie de la guidance. Ça, c'est la fin de la citation de la parole de Ibn Kathir, rahimahullah. Et c'est la parole de Muhammad ibn Nu'aym ibn Muhammad al-Khuza'i, mais c'était dans la citation de l'imam Ibn Kathir. Et par la suite, le cheikh il termine en disant que ça c'est la voie des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah, et c'est de les affirmer comme elles sont venues dans le Coran ou dans la Sunna, sans dire qu'elles ressemblent aux sifats ou aux attributs des créateurs, sans non plus nier ces attributs-là, et on les affirme sans les faire ressembler à la créature, et on purifie Allah de toutes les imperfections sans nier ses attributs, et on se base sur le verset qu'Allah dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir ». Donc celui qui a affirmé au salaf qu'il connaissait pas la signification des attributs, il a menti et inventé à leur sujet quelque chose dont ils sont innocents. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. دونك سعيد الحمد لله. وفيه البركة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.